juste quelques mots d'introduction. Dieu est le Dieu de tous, des petits et des grands, des jeunes et des vieux, et aussi des enfants. Et parfois, j'ai entendu dans les églises des réflexions à propos des enfants, disant, alors, les enfants, faut vraiment s'en occuper, c'est important, et je suis d'accord. Mais le truc qui venait après, je n'étais pas d'accord. Il disait, mais il faut s'en occuper parce que c'est l'église de demain. Et non, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est pas l'église de demain, les enfants. C'est pas, on les met pas à part quelque temps en disant bon, on s'occupe pas trop d'eux, on est entre nous, on est entre adultes, c'est important ce qu'on fait. Et puis quand ils grandiront, bah voilà, ils viendront avec nous. Non, les enfants, c'est important. Et Jésus, il a accueilli les petits enfants. On lui a amené des petits enfants. Petits, ça veut dire qu'il y avait vraiment des nourrissons. Il y avait des enfants qui marchaient même pas. Et ses disciples, ils ont voulu faire la police. Et ils ont vu ces femmes, c'était certainement des femmes qui s'occupaient des enfants. À l'époque, il n'y avait pas de papa qui avait des enfants dans les bras. Alors, ces femmes qui se sont approchées avec les enfants, à un moment donné, les disciples, ils leur ont dit, allez-vous-en, ici, c'est pour les adultes, c'est des choses sérieuses. Et Jésus les a repris en leur disant, il faut qu'on laisse venir, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Alors, en quoi est-ce qu'on doit ressembler à des petits-enfants? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ressemble à des petits-enfants? Allez, culte interactif, est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Voir si c'est les mêmes que les miennes. Comment? Moins de barrières. Ils sont plus simples. Voilà. Un enfant, il croit tout. Voilà, il croit tout. Alors avec le bon et le mauvais côté, mais un enfant, il va croire ce qu'on lui dit. Il a confiance. Et c'est pas, on ne doit pas ressembler à des petits-enfants parce que les petits-enfants sont parfaits, qu'ils n'ont rien de mauvais dans le cœur. C'est pas vrai parce que de tout petit, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Évidemment, moins marquées que chez les adultes, mais c'est les mêmes choses. Moi, je peux vous dire que je suis une maîtresse d'école et que je vois les comportements des enfants. Il sait comme les adultes, sauf qu'ils ne se gênent pas, ils ne cachent pas. Ils sont égoïstes, ils sont hypocrites, ils vont balancer des insultes aux autres. Ils ont le même cœur qu'un adulte qui a besoin d'être changé. Donc, on n'a pas ressemblé à des petits-enfants parce qu'ils sont purs et qu'ils sont parfaits, même s'ils sont plus purs que les adultes, souvent, c'est vrai, mais parce qu'ils sont simples et parce qu'ils sont capables de croire sans se poser de questions. Et c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à pas croire n'importe quoi, évidemment, mais à croire la parole de Dieu. Alors, je voudrais vraiment que ce matin, on prie pour les enfants. Il y en a deux au fond, là, je les appelle, Maël et Andy. On va prier avec eux et pour eux, et puis Thiago. Et ils vont être mes assistants. Voilà, avec Yaël aussi. Alors, ce matin, c'est spécial, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour les grands aussi, mais vous, vous allez venir m'aider. Alors, je ne peux pas tous vous prendre, mais je prie. Il y a le petit aussi, oui. Mais tu peux l'amener, même si il ne va pas pouvoir être comme les autres, mais on prie aussi pour lui. Son prénom, c'est Adam. Alors, on prie pour Thiago, Maël, Andy et Adam. Que des garçons. Après, il y a des grands-enfants, mais je ne dirai pas où ils sont. Seigneur, merci parce que tu aimes les enfants, Seigneur, et tu nous demandes de leur ressembler, Seigneur. Tu nous as dit ton royaume, il est pour ceux qui sont comme des petits-enfants. Seigneur, nous voulons, donne-nous d'avoir ce cœur simple, Seigneur, de te faire confiance jour après jour dans nos défis d'adultes, dans les choses qui nous paraissent compliquées, Seigneur. Tu es là, Seigneur, et tu es notre Père, et en bon Père céleste, Seigneur, tu veilles sur nous et tu ne nous laisseras jamais tomber. Je te prie pour ces quatre enfants qui sont là, Seigneur, pour leur vie, pour leur âme, pour leur corps, Seigneur, pour que tu les gardes à l'école, pour que tu bénisses leurs parents, pour que tu les bénisses dans leur esprit, Seigneur, et qu'ils puissent te trouver, Seigneur, qu'ils puissent sentir ta présence, Seigneur, tout jeune, être marqués par toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin. Amen. Amen. Alors, est-ce que ça vous en est embête de rester là sur le côté, comme ça, dès que j'ai besoin de vous, je vous appelle? Yaël, tu viens aussi, comme ça tu leur expliques. Alors, ce matin, j'ai un thème qui intéresse les grands et les petits, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on sait qu'elle est écrite dans la Bible, c'est la parole écrite, mais on sait aussi que la parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Et tout ce qu'on voit autour de nous a été créé par la parole. Dieu, il a créé le monde par sa parole. Le logos, il a créé, et on sait même maintenant avec la science que le monde est fait avec des atomes, etc. Et que tout ça, même par exemple l'ADN humain, eh ben, s'il y a un langage de création, il y a des codes, et tout ça, ça a été fait avec une parole créatrice. Et cette parole, dans la Bible, elle est comparée à plusieurs choses pour nous aider à comprendre ce que c'est la parole de Dieu pour nous. Alors, d'abord, numéro 1, qui c'est qui fait le numéro 1? Je t'ai donné les papiers. Alors, c'est du live, hein. Je veux que ça soit Maëlle. Tu vas nous chercher le numéro 1 ici et tu nous l'amènes. Tu le vois le numéro 1 où il est? Non, regarde. Là. Non, tu peux enlever le papier, on s'en fiche de ça. Voilà, et tu te mets sur le côté pour pas être devant l'image. Tiens. La parole, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans les mains? De l'eau. Alors, on va regarder l'image d'après. Tu peux la poser sur le côté si tu veux. Dans le Deutéronome, il est dit que mes enseignements coulent comme la bonne pluie sur les plantes et que mes paroles se répandent comme la rosée sur l'herbe. La parole de Dieu, elle est comparée à de l'eau. À quoi ça sert l'eau, les enfants? À boire. Quoi d'autre? À se baigner. À se laver, ouais, se doucher. Est-ce que vous connaissez, vous les adultes, d'autres arroser les plantes, laver, voilà, alors boire, laver, ça apporte la vie, on peut faire la cuisine, on s'en sert même pour fabriquer des objets, tout ça. Sans eau, il n'y a pas de vie. Quand un bébé naît, une des premières choses qu'on fait, on va le laver. Sans eau, pas de vie. Et tous les jours, on doit boire, tous les jours, on doit se laver. Enfin, je ne sais pas, mais normalement, hein. C'est les règles essentielles de l'hygiène. Tous les jours, on a besoin d'eau. Et même plusieurs fois par jour, notre corps a besoin de boire. Les médecins disent qu'il nous faut boire 1 litre ou 2 litres par jour d'eau, de l'eau, hein. Bon, le reste, c'est autre chose. Mais de l'eau. Et sans eau, impossible qu'il y ait la vie. Il paraît que les scientifiques, ils cherchent sur les autres planètes, dans le système solaire, s'il y a de l'eau. On a trouvé des traces d'eau sur Mars, peut-être qu'il y a de la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Et la parole de Dieu, elle est comme de l'eau. On a besoin de la boire tous les jours. Pas juste une fois par mois. Je vais ouvrir ma Bible. Alors, on n'ouvre plus. Tellement, enfin moi je n'ouvre plus ma Bible, je l'ai sur mon iPad et sur mon téléphone, mais c'est pareil, c'est les moyens modernes, que ça soit sur un écran ou dans un livre, on a besoin de boire cette eau tous les jours. Pourquoi? Parce que sinon, on va mourir. Vous savez en combien de jours on meurt si on ne boit pas? 3 jours, super, oh, mais alors j'ai une équipe là ce matin, ils sont au top, hein. Donc, on a besoin de boire tous les jours, plusieurs fois par jour, et on a besoin de se laver tous les jours, normalement, si on est propre, même si on n'aime pas toujours. Ouais. Moi aussi, j'avais des filles, quand elles étaient petites, il fallait « va te laver !» Puis j'allais vérifier, parce que des fois, ça agitait l'eau, mais ça ne se lavait pas trop. Je ne parle pas de Yael, évidemment, hein, qui s'est toujours bien lavé. Mais j'en avais une, je ne dirais pas laquelle, qui avait un peu de mal avec ça. Mais aujourd'hui, elles ont grandi, puis elles ont compris l'importance de l'hygiène. Et l'eau, c'est la vie. La deuxième chose à laquelle la parole de Dieu, elle est comparée, c'est le numéro 2. Allez, numéro 2, on anticipe, on y va. Tu vas m'amener le numéro 2 qui est ici. C'est ça. Alors, tu vas le montrer à tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Un marteau. Ça sert à quoi, un marteau? À enfoncer des clous. Ouais, pas seulement. Ça va, tu le tiens bien? Ça sert aussi à casser. À casser des cailloux. Et la parole de Dieu, elle ressemble à un marteau qui casse le rocher. Alors, un marteau, c'est lourd. Est-ce que tu as déjà essayé d'enfoncer un clou juste avec ton poing comme ça? Non. Ça fait mal et c'est pas efficace. Et casser un caillou, alors je voulais amener un caillou, puis je me suis dit, sur la moquette, ça ne va pas aller. Donc je me suis arrêtée là pour la comparaison. Mais casser avec un marteau, c'est-à-dire qu'un marteau, il sert de levier et il va démultiplier la force. Même si je ne suis pas très fort, même un enfant, avec un marteau, il va arriver à casser un petit caillou ou il va arriver à enfoncer un clou. Bien sûr, il ne faut pas se taper sur les doigts parce que ça fait mal. Mais ça démultiplie la force. Et la parole de Dieu, elle ressemble, merci, à un marteau. Elle va briser, elle va casser, elle va aplatir. Alors, qu'est-ce qu'elle va casser? Elle ne va pas nous casser à nous, mais elle va casser la dureté de nos cœurs. Elle va casser les mensonges qui sont en nous. Elle va casser tous les mauvais a priori. Elle va casser toutes les choses que la vie nous a jetées sur nous. Toutes les choses qu'on pense et qui sont fausses. Et la parole de Dieu, elle vient pour rectifier. Elle est comme un outil. Et Dieu, il ne va pas nous mettre des coups de marteau sur la tête. Ce n'est pas ça le but. Mais il va briser ce qui en nous a besoin d'être brisé. Est-ce que vous avez des résistances en vous? Est-ce qu'il y a des choses qui parfois font que, même les enfants, hein, des fois, on n'a pas envie d'obéir. Vous avez toujours envie d'obéir aux parents? Non, non, non. Moi, j'étais exactement comme vous. On n'a pas toujours envie d'obéir aux parents. Et ça, c'est des résistances, parce qu'on pense qu'on sait mieux qu'eux, parce qu'on pense que les parents, ils ont tort, etc. Et la parole de Dieu, elle vient, elle nous aide à casser ce qui est dur en nous pour que ça devienne tout tendre. Il y a un verset qui dit « Je prendrai vos cœurs, » c'est Dieu qui dit ça à ses enfants, « Je prendrai vos cœurs de pierre » et je mettrai à la place un cœur de chair. Il va faire une transplantation cardiaque. Il y a des chirurgiens qui font ça, des personnes qui sont malades, elles ont un problème, une maladie au cœur, leur cœur est malade, elles ne peuvent pas vivre comme ça. Et bien, le chirurgien, il vient, il enlève le cœur qui est malade et il va mettre un cœur qui est en pleine forme pour que cette personne, elle puisse bien vivre. Dieu veut faire la même chose avec nous. Il veut enlever la dureté, il veut enlever les choses. Parfois même, on a été victime dans la vie, il y a des gens qui nous ont fait du mal, ou on a eu des maladies, ou on a eu des problèmes. Et Dieu, il veut enlever notre cœur dur et le rendre tout tendre. Alors le troisième, la parole de Dieu, elle ressemble à ça. Tu nous le montres? Alors excusez-moi, mais j'ai pas voulu faire un vrai feu non plus, parce que je pensais que ça plairait pas trop au propriétaire de l'hôtel. On va regarder le troisième. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? C'est le même verset dans Jérémie, chapitre 23, verset 29. Merci. Super. Alors, les enfants, le feu, ça sert à quoi? À se brûler, à se faire mal. Alors ça bon, ok, mais t'aimes bien te brûler, te faire mal, toi? Ah bon, d'accord, tu me rassures. Oui? Ah oui, des barbecues, super, c'est bon, hein. Ouais. Du camping, ouais, super. Alors, barbecue, camping, se chauffer. Ça fait de la lumière. Ouais, on a presque toutes les réponses. Est-ce que les grands, ils pensent à autre chose? Se chauffer, faire à manger, faire de la lumière, du camping. Oui, on va brûler des choses qu'on ne veut plus, voilà, avec le feu. Faire fondre le métal, alors on va pouvoir fabriquer des objets. Brûler les mauvaises herbes, voilà. Et même, par exemple, ça vous est jamais arrivé d'avoir une petite écharde qui rentre dans le doigt Et ben moi, je prends une aiguille, je la mets dans le feu et j'enlève l'écharpe. Pourquoi je la mets dans le feu? Eh ben oui, ça désinfecte, ça purifie. Donc le feu, il purifie, il chauffe, il fait de la lumière. La parole de Dieu, elle est comme un feu. Quand on apprend l'histoire des hommes, on sait qu'il y a un moment dans la préhistoire où les hommes, ils ont découvert le feu et puis ils ont pu non seulement faire à manger, faire cuire leur gibier, mais ils ont pu fabriquer des armes, etc. Ils ont pu se mettre à fabriquer des objets avec le feu. Le feu, il est indispensable à notre confort. Et la parole de Dieu, elle est comme un feu, elle doit brûler en nous. On doit être bouillant. On ne doit pas être froid, on ne doit pas être tiède. On doit être bouillant. Et je ne sais pas si vous avez déjà mis la main dans le feu, je ne vous le souhaite pas, mais ça laisse des traces. Le feu laisse toujours des traces. Et le feu qui brûle en nous, il n'est pas là pour nous consumer et faire de nous des fous, des fanatiques, mais il est là pour nous aider à aimer et pour brûler plus fort pour Dieu. Il nous réchauffe, il nous rend bouillant. Et puis, il va brûler en nous. Un peu comme le marteau tout à l'heure. Tout à l'heure, le marteau, il était là pour briser. Il va brûler en nous les choses qui sont mauvaises, les saletés, les choses qui ne servent à rien. Comme disaient les mauvaises herbes, très belle image, les mauvaises herbes. Ben, dans un jardin, le jardinier, il sait qu'il y a des mauvaises herbes et que tout, régulièrement, il doit les arracher. Et même quelquefois, il va mettre le feu aux mauvaises herbes parce qu'il y en a trop. Et la parole de Dieu, elle est comme un feu. Elle est aussi numéro 4. Qui c'est qui fait le numéro 4? Là, vous allez aimer, vous allez tous aimer, vous allez voir. C'est là, c'est celui-là. Ah oui, ça, on aime ça. Alors, c'est pas des chips, c'est plus des bretzels. Hein. Mais elle est comme de la nourriture. Alors, je ne pouvais pas amener un repas complet, mais... Si tu veux, si tu es gentil, tu fais le service, tu passes, ça fera un petit peu l'apéro. Tout le monde. Elle est comme de la nourriture. Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens, tu seras un bon serviteur et tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. La parole de Dieu, elle est comme une nourriture. Alors les enfants, la nourriture, est-ce que vous aimez manger déjà? Oui? Ça dépend de quoi, évidemment. T'aimes manger des légumes? Ah! Ah ouais, tiens, j'aurais une illustration là-dessus. Il n'aime pas manger des légumes. Que quelques-uns, d'accord. C'est vrai? La parole de Dieu, elle est comme une nourriture. Est-ce qu'on a besoin de manger seulement une fois par mois ou une fois par an? Voilà, tous les jours et même plusieurs fois par jour. Surtout quand les enfants grandissent, ils ont besoin de manger. La nourriture, à quoi elle sert? Elle donne de l'énergie et de la force. Elle sert à quoi aussi, à part donner de l'énergie? Ouais, à rester en vie. À quoi d'autre? Les enfants, à quoi ça sert de manger? L'énergie, donner, rester en vie, quoi d'autre? Pour vous, vous devriez le savoir. Je l'ai dit en plus. À quoi ça sert pour vous, les enfants, de manger? À part avoir de l'énergie? À grandir. Voilà, sinon vous allez rester petit et c'est pas le but. Et puis la nourriture, c'est aussi un plaisir. C'est un moment de partage. Quand on est ensemble, quand on est en famille, on est autour d'un bon plat, c'est agréable. C'est agréable d'avoir des invités, c'est agréable de partager la nourriture. C'est un moment convivial. La nourriture, elle est indispensable à tout ce qui est vivant. Les plantes, les animaux et les humains ont tous besoin de nourriture. Les plantes, elles n'auront pas la même nourriture, elles vont la puiser dans la terre, elles vont la puiser dans l'eau. Les animaux, certains vont manger de l'herbe, d'autres vont manger d'autres animaux, d'autres vont manger un peu de tout, etc. Mais chaque être vivant a besoin d'une nourriture. C'est le carburant de la vie et c'est aussi un carburant de la joie parce qu'autour d'un bon repas, on est joyeux, on est heureux. On a besoin, avec la parole de Dieu, de nourrir notre foi tous les jours. pas juste une fois de temps en temps. Vous savez, on n'est pas des crocodiles. Il paraît que les crocodiles, ils sont capables de manger une grosse proie, pardon, et puis ils ne mangent pas pendant un mois ou 2 mois. Mais nous, on n'est pas des crocodiles, on est des êtres humains et on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu régulièrement. Plusieurs fois par jour. On a besoin de grandir spirituellement. On a besoin de nourrir notre amour. Et plus je connais, je sais ce que Dieu veut pour moi, et plus je vais pouvoir me nourrir, et plus je vais pouvoir grandir. Je ne vais pas rester. Il y a une comparaison dans la Bible entre la vie physique qu'on voit, le petit bébé qui va naître, et puis qui va grandir, et puis la vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle, quand on connaît Dieu, quand l'amour de Dieu vient en nous, quand on a compris le salut, qu'on a compris que Jésus nous aimait, qu'il avait donné sa vie pour nous, on est à une nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance. Et il y a une croissance ensuite qui doit venir. Et parfois, c'est étonnant, mais si on voyait un bébé qui, au bout de 20 ans, avait toujours la même taille, on se dirait, mais il a une maladie. Il a toujours la même taille que quand il est né. Tout le monde va, même avant 20 ans, on va s'interroger, on va l'amener voir des docteurs, on va essayer de comprendre pourquoi il ne grandit pas. Et parfois, spirituellement, on vit la même chose dans les églises. On a des chrétiens qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais ils ont toujours la taille d'un nourrisson. Et il faut toujours les mêmes soins qu'un nourrisson. Il faut s'occuper d'eux, il faut tout leur faire, il faut leur donner à manger. Ils n'ont pas grandi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris cette nourriture. Alors peut-être que on leur a pas donné, peut-être qu'on c'est pas forcément de leur faute, mais en tout cas, ils n'ont pas grandi. Et au point de vue spirituel, il se passe la même chose que ce qu'on voit du point de vue matériel, du point de vue concret. On a besoin de nourriture. Ensuite, numéro 5. Ça y est, il commence à aller vite maintenant. Attends, le numéro 5, il est tombé. On a besoin. Vas-y, tu peux le montrer. Du lait. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous, par lui, vous croissiez pour le salut. Alors j'ai mis, j'espère que ça ne vous choque pas, hein, j'ai mis la photo d'un bébé en train de téter sa maman, parce que c'est de ça dont parle ce verset. Alors moi j'ai amené du lait comme ça, mais ce n'est pas de ce lait-là qu'il est question dans le verset, parce que ça c'est du lait de vache, ce n'est pas du lait de vache qu'on donne au bébé, merci. Mais c'est le lait de leur mère. Alors maintenant, bien évidemment, il y a des biberons, etc. Tout est. Mais à l'époque où Paul parle, ça n'existe pas, les biberons. Il y a juste la mère qui va donner son lait à son bébé. Et ce verset nous encourage à prendre le lait qui vient de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est le lait? C'est un aliment de base pour le bébé. Le bébé, quand il naît, il ne va pas se mettre à manger un steak frites. Il ne sait pas. La seule chose qu'il fait, c'est téter et prendre le lait de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans le lait. Il y a tout dans le lait maternel. Il y a toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les protéines. Il y a tout ce qu'il faut. Et il paraît même que il y a l'entrée, le plat principal et le dessert. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le bébé y tète, c'est pas la même chose qui va passer. Et puis quand le bébé grandit, eh ben le lait maternel, le lait de sa maman va s'adapter à ses besoins. Il va être plus riche, il va être différent, etc. Et ce que sa maman mange va passer dans le lait. Donc il va découvrir la nourriture à travers le lait de sa mère. C'est une image pour nous dire que en Dieu, en Christ, dans sa parole, on a tout. Il y a tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a tout. Elle est riche, elle est parfaite, elle est complète. On n'a pas besoin de se dire, tiens, je vais mettre un peu de quelques frites dans le biberon ou je vais mettre un petit surplus. Non, le lait suffit. Alors, la parole de Dieu, elle nous invite après à passer aussi à la nourriture solide. Mais c'est une image qui nous montre qu'on a tout parfaitement. On a tous commencé notre vie avec du lait. Et on peut tous comprendre cette image. Et un enfant qui a fini de téter, que ce soit le sein de sa mère ou un biberon, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il est parfaitement heureux. Et même souvent, ils sourient, ils sont complètement. D'ailleurs, ils sont épuisés parce qu'ils ont bien mangé. Et ils se laissent aller dans les bras de leur mère. Ils sont parfaitement comblés. Parfaitement comblés. Alors ça, c'est un secret de bonheur extraordinaire, parce qu'on est dans un monde qui entretient l'insatisfaction tout le temps, tout le temps. On voit des pubs, on voit toutes sortes, on voit des belles voitures, on voit des belles robes, on voit des bijoux, on voit des tas de choses qui nous font envie tout le temps et qui nous font croire qu'on n'est pas comblé si on n'a pas ça, si on n'a pas ça, et si on ne fait pas tel voyage. Et si... Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces choses sont mauvaises et qu'on ne peut pas faire de voyage, ou que... c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la parole de Dieu, quand elle vient en nous, elle nous comble parfaitement et elle nous empêche d'avoir cette insatisfaction du fait que oh bah j'ai toujours envie d'avoir autre chose. C'est valable pour les enfants, hein, quand on voit les magasins de les vitrines, les magasins de jouets et toutes sortes de choses, on a envie de plein de choses. Mais quand on a la joie de Dieu en nous, on a tout parfaitement. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs parce qu'il nous comble. La première fois que on ressent la présence de Dieu, on comprend qu'on a tout trouvé en fait. On comprend qu'on a tout et que le reste, c'est bien, c'est ce que Dieu nous donne par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Ça veut dire que la base, c'est la parole de Dieu, c'est son amour, c'est ce qui plante en nous. Et par-dessus, Dieu, il veut nous combler aussi. Il ne veut pas qu'on soit, qu'on vive nu dans la rue, qu'on mendie, etc. Il veut pourvoir à tous nos besoins, mais qu'on ait un cœur comblé. Et qu'on ne soit pas à l'image du monde dans lequel on vit, où c'est la société de consommation, et finalement, ça marche avec, grâce à l'insatisfaction du cœur, qui fait que tout le monde va se précipiter au magasin, va essayer de toujours posséder plus, avoir plus, penser être plus heureux. Alors la parole de Dieu, c'est aussi numéro 6. Qui c'est qui fait le numéro 6? Thiago, c'est toi? Allez, va vite chercher le numéro 6, c'est celui-là. Tu sais ce que c'est ça, Thiago? Non? Du miel. T'as déjà mangé du miel? Avec du pain. Ben voilà, du miel avec du pain. Tu peux aller le poser si tu veux. Alors, je ne vais pas vous faire la dégustation parce que sinon, ça va être trop long. Vous savez tous ce que c'est du miel. Alors, qui est-ce qui fabrique le miel, les enfants? Ah, les abeilles ou les usines, alors? Les deux? Les usines, elles fabriquent du miel, t'es sûr? Voilà, alors c'est que les abeilles. Hein. Dans les usines, on prend le miel que les abeilles ont fait, on les met dans des pots. Mais les usines, elles fabriquent pas du miel. Que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Le miel, là, il s'est fermé. Le miel, c'est une nourriture. Le miel, ça a quel goût? C'est sucré. Est-ce que vous aimez le sucré? Ouais, on aime tous le goût. Alors, il y a différents types de miel. On aime tous le goût du sucré. Et le miel, on en met sur les tartines, on en met dans la cuisine. Dans le miel, il y a beaucoup de vitamines, de minéraux, et ça donne de l'énergie. Et les sportifs, ils peuvent en prendre du miel. Alors, vous connaissez hein, les vertus du miel. Ça a des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire pour soigner, on utilise aussi le miel. Donc, on l'utilise pour manger, on l'utilise aussi pour se soigner. Ça a des vertus antiseptiques, ça veut dire que ça va désinfecter les plaies. Cicatrisante, quand on a une cicatrice, on peut mettre du miel. Anti-inflammatoire. Quand il y a une inflammation, contre les microbes, ça aide pour les maux de gorge, etc. Enfin, il y a plein de vertus pour le miel. Et pour ma part, il y a l'année dernière, oui, c'était l'année dernière que j'ai été opérée, et donc j'avais une plaie qui cicatrisait mal. Et au bout de 3 semaines, on m'a dit, ah, c'est encore long. Alors, il y avait de la fibrine. Enfin, bon, bref, c'est un truc un peu technique. Il fallait l'enlever au scalpel. Enfin, c'était compliqué. Et on m'a dit, bah, il y en a au moins pour 15 jours, 3 semaines encore. Alors, infirmière tous les jours, etc. Je suis rentrée à la maison et j'étais acheté un pot de miel. J'ai rien dit à personne. J'ai mis du miel sur ma plaie En 4 jours, c'était guéri. Je me suis dit, mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? La prochaine fois, c'est sûr que j'attendrai pas tout ce temps-là pour mettre du miel sur ma plaie. Et dans les hôpitaux, c'est sérieux, hein? Il y a des hôpitaux qui utilisent le miel, même pour soigner les brûlés, pour soigner beaucoup de... Parce qu'il y a tellement... On ne va pas prendre n'importe quel type de miel, mais il y a tellement de vertus dans le miel que ça cicatrise. Et alors là, je n'ai pas besoin de faire la comparaison, vous avez tous compris. La parole de Dieu, elle est comme du miel. C'est-à-dire qu'elle va faire du bien, elle est agréable. Lorsque je lis sa parole, je vais avoir des promesses, je vais comprendre que Dieu, il est là pour m'amener de la joie, pour m'amener du bonheur, pour enlever de moi, pas que de la joie et du bonheur, parfois c'est compliqué la parole de Dieu, hein, on le verra après, hein, avec autre chose, mais il y a cette dimension de joie, il y a cette dimension de plaisir, mais aussi une dimension de guérison intérieure. La parole de Dieu va guérir mon cœur. On est tous des blessés de la vie. Qui c'est qui a jamais eu un problème avec personne? Certains ont été blessés par leurs parents, d'autres par leurs frères et sœurs, d'autres par leurs copains à l'école, d'autres par des personnes qu'ils ont rencontrées, par des profs. Ça peut être n'importe qui vient et qui nous blesse. Et on a besoin de ce miel qui vient comme une cicatrice. Ça nous parle de la guérison de l'âme. Alors, Yaël, c'est toi le prochain parce que c'est plus technique. Je voulais une plus grande. Numéro 7. La parole de Dieu, elle est comme, tu peux mettre le slide suivant, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors je vais laisser faire Yaël. Tu la mettras là qu'on la voit brûler. J'ai amené une lampe qui brille. Les enfants, à quoi ça sert une lampe? À éclairer. À éclairer. Tiago, à éclairer où et quand? À quoi ça sert une lampe? Ouais, ça fait de la lumière. Et Tiago, quand est-ce qu'on allume la lampe? Est-ce que tu allumes la lampe quand il y a un grand soleil et qu'on voit très très bien? Non. Quand est-ce qu'on allume la lampe? Voilà, quand il fait nuit. On la laisse là. Normalement, elle est homologuée, celle-là, ça devrait aller. La lampe, elle brille uniquement dans la nuit. La parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher dans la forêt quand il fait noir, quand il n'y a pas de lumière. C'est très angoissant parce qu'on ne sait pas où on va mettre les pieds. On a peur de se prendre les pieds dans un tronc d'arbre ou dans quelque chose qui est par terre. Et marcher dans la vie sans repère, sans l'amour de Dieu, sans sa parole, sans le mode d'emploi qu'il nous a laissé, parce que c'est un mode d'emploi, bah c'est marcher dans le noir sans savoir où on met les pieds. Et au bout d'un moment, c'est sûr qu'on va tomber et on va se blesser. Peut-être on va même tomber dans un trou, on peut mourir. Et c'est pour ça qu'on doit prendre cette lumière et la mettre en hauteur. Jésus, il a dit, on ne prend pas une lampe pour la cacher sous une table, pour la cacher sous un meuble, mais on va la mettre en hauteur. Et à quoi sert une lampe? Elle sert à éclairer dans les ténèbres. Si on a Dieu qui vit en nous, on est appelé à briller. Mais on n'est pas appelé à briller juste le dimanche matin entre nous parce que on est déjà dans la lumière. On est appelé à aller là où il n'y a pas de lumière, là où c'est les ténèbres. On est appelé à témoigner, on est appelé à aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, à leur apporter une parole, pas à coup de versets pour les assommer parce que ça ne leur parlera pas, mais à leur apporter une parole inspirée, quelque chose qui va les interpeller, qui va dire waouh, comment est-ce qu'il connaît ma vie, celui-là, comment est-ce qu'elle sait ça de moi, comment est-ce que cette personne-là a pu savoir que j'avais besoin d'entendre ça à ce moment-là. C'est ça la lumière qui brille. Et la parole de Dieu, elle, non seulement elle nous sert à nous, pour savoir où on va, mais aussi on va pouvoir éclairer les autres. Il paraît que quand on met de l'éclairage dans une ville, ben la criminalité, elle baisse. Pourquoi? Parce que les bandits, les cambrioleurs, ils aiment bien la nuit. Ils aiment bien agir la nuit. Et on parle souvent du monde de la nuit, des gens qui sortent la nuit, ils vont dealer, etc. Ils vont dans les boîtes, etc. Parce qu'on sait que c'est un moment où il y a moins de lumière et donc c'est favorable au développement de tout ce qui est mauvais. La lumière, elle a des vertus extraordinaires. Il paraît que le soleil, il nous aide à prendre de la vitamine D qui sont bons pour les os. Les enfants, vous qui grandissez, vous avez besoin de vitamine D. Si vous n'avez pas de vitamine D, toutes les vitamines, elles se fixent pas et c'est une vitamine que le soleil il va nous donner, la lumière va nous donner. La lumière, elle va aussi aider à lutter contre la dépression, elle va soigner les maladies de peau, elle va diminuer, il paraît même, l'hyperactivité. Les personnes qui sont hyperactives, parce qu'il n'y a pas que des enfants, il y a des adultes aussi, si elles sont souvent exposées à la lumière, elles vont être plus calmes. Donc la lumière, elle a beaucoup de vertus. Sans lumière, il n'y a pas de vie non plus. Est-ce que vous savez, les enfants, qu'une plante, pour grandir, il lui faut de la lumière. Eh oui, il lui faut de la lumière. Et si on la laisse dans le noir, à part quelques plantes, la plupart, il lui faut de l'eau, il faut de la lumière, elle ne va pas grandir. Alors, le numéro 8, je vais accélérer un peu, mais j'ai bientôt fini. Numéro 8, c'est Yaël aussi, parce que c'est plus technique. La parole de Dieu, c'est une. Le 8. Il est beau, hein? Bon, c'est un sabre, c'est pas une épée, hein? La parole de Dieu, elle est comme une épée. Ça, c'est un sabre, c'est un sabre briquet qu'on nous avait offert. Voilà, mais il est un peu rouillé, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de le dérouiller. On s'en sert pas souvent, heureusement, hein? Merci. Elle est plus vivante et plus efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'en ai parlé quand il y a 15 jours, quand j'ai parlé des armes du chrétien, j'ai parlé de l'épée de l'esprit. Et je dirais, moi, que cette comparaison avec l'épée, en fait, il parle d'une épée, mais quelque chose qui est même plus tranchant qu'une épée. Et plus pointu qu'une épée. Moi, je dirais, c'est le bistouri de la parole. Parce que le bistouri du chirurgien, il est très précis. Et il va ouvrir, il va pas faire des ouvertures de 2 cm de large. Il va y aller de façon très fine pour pouvoir après refermer et aller chercher, aller ouvrir et opérer et réparer, guérir la personne qui a une maladie, qui a peut-être une grosseur ou qui est peut-être qui est tombée au ski et qui a besoin qu'on répare la fracture et qu'on mette quelque chose sur ses os pour l'aider. Et on ouvre avec un bistouri. Et je dirais que cette épée que de la parole de Dieu, elle agit comme un bistouri. Vous avez remarqué que parfois vous lisez et vous tombez sur un verset qui va vous parler et vous dites mince, mais ça fait 20 fois que je le lis, et j'avais jamais compris ce qui était marqué là. Et là, c'est comme ça rentre dans votre âme et ça va chercher quelque chose, une chose peut-être ancienne, un problème qui remonte et Dieu vous dit voilà, maintenant ça, il faut le régler. Peut-être qu'il faut que tu pardonnes à cette personne, tu t'en étais pas rendu compte. Peut-être que tu as telle mauvaise habitude, il faut que tu arrêtes cette mauvaise habitude. Peut-être que tu dois prendre telle décision parce que c'est une bonne décision pour toi. Et elle est comme une épée, comme un petit bistouri qui va aller et qui va nous aider à nous défendre. Et puis l'épée, bien sûr, c'est une arme défensive et une arme d'attaque. Aujourd'hui, les soldats, ils n'en ont plus, ils ont des fusils. Mais autrefois, du temps où Paul il écrit, c'est l'arme principale du soldat, c'est l'épée. Ils ont aussi des lances, mais ils se servent surtout des poignards et des épées. Ça sert à tuer l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est qui notre ennemi? C'est le diable, ouais, c'est bien. Tu n'as pas dit que c'était ton copain à l'école qui t'embête tout le temps, hein, ça va. Parce que l'épée que Dieu nous donne, ce n'est pas pour tuer les autres qui sont autour de nous, hein. On n'est pas des fous, on va pas se, on n'est pas des fanatiques pour assassiner les gens qui ne pensent pas comme nous, mais on est là pour lutter contre le diable. Et le diable, souvent, il vient et il nous met des mensonges dans la tête, ou alors il vient, il nous donne des idées ou des cauchemars, ouais. Exact. Ou alors il va nous faire croire des choses qui sont fausses. Ou alors on voit qu'il y a quelque chose qui nous arrive. Et puis là, il va le grossir, le grossir, le grossir, le grossir. Et si on connaît les promesses que Dieu nous a faites, qui sera avec nous tous les jours, qui veut nous guérir, qui veut nous donner sa joie, qui veut nous donner sa paix, qui veut nous aider à comprendre sa parole, ben, si on connaît sa parole, ça, c'est comme une arme. À chaque fois qu'il nous envoie une mauvaise pensée, paf, on va pouvoir donner un coup d'épée dans ce que le diable, il fait. Voilà, dans le nom de Jésus, exactement. Donc, savoir comment prier, savoir comment se battre et savoir comment se défendre sa foi. Je crois que bientôt, ils vont prêcher. Hein. Pas de problème. Alors, le numéro 9, qui c'est qui fait numéro 9? C'est toi, Thiago? Allez, tu vas chercher. Bon, alors. C'est curieux, d'où elle veut en venir avec ça. Bon, on va dire que ça, c'est une cuillère en argent. D'accord? J'en avais pas, donc j'ai fait un truc en argent, mais je l'ai oublié. Donc j'ai dit, on va dire que ça, c'est une cuillère en argent. C'est pour dire que la parole de Dieu, elle est comme de l'argent. Ces paroles, les paroles de l'Éternel sont pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Là, j'ai mis une photo d'un bijou en argent, j'en avais pas. Donc voilà, j'ai mis une photo. Merci. L'argent, il doit être épuré. Vous savez, l'argent, c'est un métal. Vous savez où on va le chercher, les enfants? Oui. En Chine, non. Hein? Peut-être, oui, il y en a en France aussi, mais dans des mines, dans la terre. Oui, dans les souterrains. Alors, il y en a dans plein de pays, il y a de l'argent. Mais le problème, c'est que l'argent, quand on va le chercher, il y a des saletés qui sont mélangées avec l'argent. Donc, on est obligé de le chauffer et puis de le nettoyer avec le feu. Et même, une fois que l'argent il est chauffé, on est obligé de le réchauffer plusieurs fois pour que toutes les saletés sortent. Et une fois que toutes les saletés sont sorties, alors on peut fabriquer des bijoux, on peut fabriquer des plats, des pièces en argent. Et la parole de Dieu, elle est comme de l'argent. L'argent, il a une signification très importante dans la Bible, parce que même le tabernacle dans l'Ancien Testament, eh ben, il a ses bases qui sont recouvertes avec de l'argent. Il y a des crochets en argent, etc. Et l'argent, ça représente la parole de Dieu, ça représente ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est comme un bijou sur nous et c'est précieux. Ça doit nous recouvrir, comme ça recouvre les bases du tabernacle. Voilà, c'était un temple, du temps de Moïse, mais il n'existe plus. Mais il est décrit dans la parole de Dieu. Allez, numéro 10. Qui c'est qui va chercher le 10? C'est marqué dessus. Alors, une maison, j'ai pas très. On peut mettre le suivant parce que ça se verra mieux ici. Une maison bâtie sur le roc, sur le rocher. Vous savez ce que c'est un rocher, un roc? Ouais, c'est une grosse pierre. Ouais, alors Jésus, il a raconté une histoire. Est-ce que vous la connaissez, cette histoire? Il a raconté l'histoire de deux hommes, un fou et un sage. Et le fou, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, ils ont fait tous les deux, ils ont fait une maison. Sauf que le fou, il a fait sur du sable. Alors, est-ce que vous avez déjà, ici on n'est pas loin des plages, vous avez déjà creusé du sable? Est-ce que c'est facile? Bah oui, c'est facile de creuser du sable. Même avec la main, on y arrive. Est-ce que c'est facile de creuser du rocher, le rocher? Non. Qu'est-ce qu'il faut pour creuser un rocher? Est-ce qu'on y arrive avec la main? Oui, un marteau, super. Une pioche. Peut-être même qu'il va falloir de la dynamite. D'accord? Faut plein de choses pour creuser le rocher, oui? Oui, super. Donc il faut des outils, d'accord? C'est compliqué de faire une maison sur le rocher. C'est plus dur. Alors, ces deux hommes, ils construisaient des maisons. Il y en avait un, il la faisait sur le sable. Et lui, il a vite fini sa maison. Et puis, il est rentré dans sa maison. Il se moquait de l'autre qui continuait de creuser à coups de pioche comme ça pour faire. Vous savez, il faut faire des trous, hein, pour faire les fondations d'une maison. Et puis, si on a fait un trou, après, on peut construire le mur. Attends, attends, dis-le pas tout de suite. Alors, il y en a un, il a construit sa maison sur le sable, et il avait fini bien avant l'autre. Et il le regarde, il se moque, il rigole. Pff, ça fait 2 ans qu'il est en train de construire sa maison. Oh là là, qu'est-ce qu'il y passe du temps? Moi, je suis déjà devant ma maison, je prends le soleil sur mon transat, là, je prends la vitamine D. C'est super, moi, c'est déjà fini. Sauf que le jour où il y a la tempête qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, voilà, le sable avec la tempête, il a bougé, les fondations de la maison, elles ont bougé et la maison, elle s'est écroulée comme ça là. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a une maison qui flotte là et puis l'autre, elle est sur le rocher et elle flotte pas, elle n'a pas bougé parce que la tempête, ça l'a pas fait tomber. La sagesse a bâti sa maison, dans Proverbes chapitre 9, verset 1. Toute personne qui entend les paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Ça, c'est Jésus qui parle de cette parabole du fou et du sage qui ont tous les deux construit leur maison sur le rocher. Et vous savez, c'est toujours plus facile de construire sur du sable. C'est plus facile de dire, comme on entend aujourd'hui, oh ben c'est pas la peine de se marier. Avant de se marier, même on peut avoir des tas de copains, des tas de copines, on change tout le temps. Parce que ça, c'est facile. C'est plus facile que d'attendre d'aimer quelqu'un pour les garçons, hein, et d'attendre la fille qu'on va aimer toute sa vie, de se marier avec elle, parce que ça va demander de la patience, ça va demander de renoncer aux autres, ça va demander de peut-être qu'on va se moquer de nous parce qu'on va dire mais t'es bête, pourquoi tu essayes pas avec elle, regarde elle est mignonne, etc. Mais c'est compliqué de construire sa maison sur le roc. Seulement quand il y a la tempête qui arrive, la maison qui est construite sur le roc, et le roc dans la Bible c'est Jésus, eh ben elle va tenir. Et puis ceux qui ont construit sur le sable, ça a été plus facile au début, mais à la fin, ça va être très dur pour eux parce qu'ils vont prendre la maison sur la tête. Donc, il y a des principes dans la parole, on ne va pas tous les énumérer, mais qui nous aident. Lorsque on a fait construire notre première maison, c'était pas ici, c'était dans la Loire, eh ben, on avait eu un coup de fil du maçon. On s'en rappellera toujours parce qu'il était portugais, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Mais on comprenait qu'il était affolé parce qu'il avait creusé pour faire les fondations et il avait trouvé de la boue, ça s'enfonçait. Et alors il nous avait appelé, il disait « Je peux pas construire, je peux pas construire », il disait avec son accent portugais. Et alors on est arrivé, on était affolés nous-mêmes, on s'est dit « Oh là là, on a acheté un terrain, on va rien pouvoir construire dessus ». Et en fait, c'était juste qu'il a fallu qu'il creuse plus pour trouver ce qui était plus dur dessous. Et après, on a pu faire la maison. Voilà, on l'a fait juste un peu différemment. Mais si on avait fait la maison sans aller plus profond, bah aujourd'hui, la maison, elle serait fendue ou elle serait en petits morceaux. Donc, il a fallu qu'on fasse des belles fondations. Allez, numéro 11. Qui c'est qui le fait, le 11? C'est toi? Ouais. Alors, on va le mettre le slide tout de suite. La parole de Dieu ressemble aussi à un miroir. Il n'y a plus que 2 points et puis c'est fini. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un miroir. Vous savez, vous connaissez, j'ai entendu une blague il n'y a pas longtemps. C'est un homme qui trouve un miroir et il ne sait pas ce que c'est. Alors, il se regarde, il voit son visage et il dit, c'est bizarre. J'ai l'impression que je connais cet homme-là, que je vois son portrait là dans ce truc, mais je ne sais pas qui c'est. Alors il va voir son frère, il lui donne le miroir à son frère, puis son frère il prend le miroir, il regarde, et il dit, tu connais cet homme-là qu'il y a dans ce portrait? Son frère dit, ben oui, c'est moi. Ouais, c'est tout, c'est la blague. Donc, il savait ni l'un ni l'autre ce que c'était un miroir. Il savait pas, quand il se regardait, il ne savait pas qui c'était. Et la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un il écoute la parole, mais qu'il ne la met pas en pratique, ça veut dire il la lit, il va l'écouter, mais quand il sort, il s'en fiche, il ne va pas en tenir compte. Ben, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ça vous est déjà arrivé d'avoir mangé du chocolat et d'avoir des moustaches? Ouais, moi ça m'est arrivé. Et quand on se met devant le miroir, on se rend compte qu'on a des moustaches de chocolat. Vous imaginez, vous avez des grandes moustaches de chocolat, vous vous regardez dans le miroir, et puis vous sortez de la salle de bain et vous oubliez que vous avez des moustaches de chocolat. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on les aura toujours. Puis il y en a qui vont rigoler parce qu'ils vont dire ça va, on va être un peu ridicule. Et celui qui lit la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique, il est comme ça. En fait, il va voir ses défauts, il va se rendre compte qu'il a un problème, mais ensuite il va oublier et il va arrêter de s'en occuper. Et le miroir, il est là pour nous montrer tel qu'on est avec nos défauts, mais aussi il va nous montrer qu'on est fait à l'image de Dieu et qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour être des menteurs, on n'est pas là pour être des voleurs, on n'est pas là pour les adultes, pour être sous. On a été créé à l'image de Dieu et ce miroir-là nous révèle qui on est. Il nous révèle qu'on a de la valeur, il nous révèle qu'on n'a pas à se comporter n'importe comment parce qu'on est créé à l'image d'un Dieu qui nous aime. Le miroir permet de savoir à quoi je ressemble. Et le dernier, le numéro 12, qui c'est qui veut bien aller chercher la petite boîte? Oh, tu peux enlever le numéro. Alors, vous ne le verrez pas, ce sont des graines. Tu peux les montrer? Ouais, moi aussi j'en mange. Hein. Alors, je suis pas une poule. Hein. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme une semence, une graine. À quoi ça sert une graine? Allez les enfants, dites-moi à quoi ça sert les graines. À faire pousser des fleurs, oui. T'as dit quoi toi? À manger. Ben oui, ça se mange aussi les graines. Donc ça sert à faire pousser des choses ou à manger. Est-ce qu'une graine, c'est gros? Bon, il y a des graines plus grosses que d'autres, mais en général, ce n'est pas très gros, une graine. Et il y a même des graines qui sont minuscules, toutes petites, qu'on ne voit même pas. Est-ce que vous savez que même vous, un jour, vous avez été des graines? Oui. Ah, ouais. Voilà, bon. Voilà, on ne va pas faire une leçon là-dessus, mais tous les êtres vivants, ils commencent par être une graine. Que ce soit la plante, le chien... le bébé, au début, on était tous une semence, on était tous une graine. Et la graine, ce qu'il y a d'incroyable, c'est... Ouh là là, pardon, je remue trop. Hein. Je crois qu'il faut que je l'éloigne un peu. Ce qui est incroyable chez la graine, c'est que pour qu'elle donne quelque chose, il faut d'abord qu'elle meure. Quand on plante une graine... la graine va disparaître et elle va donner une plante. La parole de Dieu, elle est comme une graine. Et Jésus, il s'est présenté, il a dit « Je suis une graine ». Dans l'Ancien Testament, il est présenté comme le germe, comme la graine que Dieu va mettre dans la terre. Jésus, il va mourir et puis il va ressusciter et il va donner une plante extraordinaire. Il va donner l'Église. Et on est amené à être comme Jésus, à mourir à certaines choses, à laisser certaines choses, et puis à donner la vie. On est comme une graine. La plante, la graine, elle reproduit exactement la plante dont elle vient. Et nous, si on vient de Christ, on va reproduire qui est Christ. Christ, il aime. Christ, il n'est pas égoïste. Christ, il va pas utiliser les autres à ses fins, mais Christ, il donne. L'amour donne. Et parfois, malheureusement, l'Église, elle a pas toujours été comme ça. Les chrétiens, ils sont pas toujours comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils se détournent parce qu'ils se disent, ils pensent que Dieu est comme ça. Parce qu'ils pensent que les graines qu'ils voient devant eux, c'est les mêmes. Elles viennent exactement du même endroit. Or, il y a eu une déformation parce qu'on est amené à être des petits Christ. Et on est amené à aussi à laisser la parole de Dieu pousser en nous. Vous connaissez la parabole du semeur, il y a un semeur qui sort, il va jeter ses graines et il y a une partie qui va tomber dans les ronces, une autre qui va tomber dans les pierres, une autre c'est des oiseaux qui vont venir, qui vont manger les graines. Et du coup, est-ce que ça va pouvoir donner des plantes? Non. Il n'y a que la graine qui tombe dans la bonne terre qui va pouvoir donner une plante. Et la parole de Dieu, elle nous dit que si on a des ronces, si on a des cailloux, si on a des oiseaux qui viennent manger les graines, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut demander à Dieu de changer ça et de changer notre cœur pour qu'il devienne une bonne terre, pour qu'on puisse... Parce qu'une graine, ça ne pousse pas dans n'importe quelle condition. On a vu qu'une graine, il lui faut de l'eau et de la lumière. Il lui faut aussi une bonne terre. Puis il lui faut un bon climat. Et donc, que Dieu nous aide à faire en sorte que cette parole qu'on entend, peut-être le dimanche, ou qu'on lit dans la parole, ou peut-être on va entendre des messages, ou peut-être on va écouter des chants, ben qu'elle va pas mourir parce qu'au fond de nous, on n'a que des ronces, des cailloux, et puis des petits oiseaux qui viennent et qui picorent. Et puis la semence, ça nous parle aussi de donner. Tout à l'heure, on a prié pour les offrandes. C'est une semence. Parce que quand on récolte, par exemple, un champ de blé, si le paysan, il prend toutes les graines de blé qu'il a et qu'il va toutes les vendre ou qu'il les mange toutes, l'année d'après, est-ce qu'il va encore avoir des graines à semer? Ben non, s'il les a toutes mangées. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une partie de sa récolte, il va la garder et il va la ressemer pour avoir une nouvelle semence. Et c'est pareil avec Dieu, il y a une partie qui revient à Dieu. On parle de la dîme, de ce qu'on donne à Dieu, parce que c'est une petite partie de ce qu'il nous a donné. Et si on mange tout ce que Dieu nous donne et qu'on ne lui redonne rien, ben on n'aura pas une nouvelle récolte après. C'est pour ça que c'est important de donner à Dieu. C'est très riche, cette comparaison, elle est super riche, on pourrait en parler pendant longtemps. La parole de Dieu, c'est une semence qui vient, qui tombe dans notre cœur et qui va produire du fruit. Et Jésus, il est une semence, il est le germe, il est venu, il est mort, il a donné sa vie sur la croix, ensuite il est ressuscité et ça a produit un fruit incroyable. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a 2000 ans, Jésus, il a donné sa vie pour nous. Il a donné. Il a été comme la graine qui s'est plantée et qui a donné un fruit. Alors, je voulais qu'on prenne un moment de prière pour parler en dernier. En conclusion, qui c'est ça, les enfants? Vous reconnaissez? Bon, c'est un acteur, mais il est censé représenter qui? C'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. On va regarder l'image d'après. La parole de Dieu, c'est la Bible. On peut la lire aussi sur les tablettes et sur les ordinateurs. C'est pareil, c'est plus pratique, c'est différent. Mais on doit se nourrir de cette parole et on doit jour après jour la connaître. Même quand on est un enfant, vous savez qu'on peut lire la Bible. Il y a des Bibles adaptées hein, pour les enfants qui sont dans un français plus simple. On peut la lire avec papa et maman, etc. Il y a plein de choses intéressantes et il y a plein d'histoires passionnantes dans la Bible. Il y a plein de bons exemples. Dans le Jean, il est dit « Au commencement, la parole était avec Dieu ». Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. Ça veut dire que Dieu, quand il a fait la terre et qu'il a pensé à faire les êtres humains, il l'a fait avec sa parole et sa parole, c'est Jésus. Comment ? Oui, ça c'est dans Jean. Mais dans Genèse aussi, alors nous on connaît, on lit les textes traduits en français, mais au commencement la terre était informe et vide et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, etc. Il est question de la création et en hébreu, les mots qu'il y a correspondent à Dieu, l'Esprit et le mot Messie. Le Messia, c'est un mot hébreu. Et ça parle de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus. Et tous les trois, ils étaient là et ils ont créé le monde. Et ils ont créé le monde ensemble. Et Dieu a créé le monde par sa parole. Et quand on connaît Christ, on va pouvoir lire sa parole parce qu'aussi, elle va devenir vivante. Parce que vous savez, on peut lire la Bible sans rien comprendre. Hein. On peut la lire à ce que ça fasse l'effet inverse en nous. C'est-à-dire, on va dire, mais je ne comprends pas. Tiens, là, il s'est marqué que Dieu il se met en colère. Alors, ça veut dire que Dieu, il n'aime personne. Et puis là, il s'est marqué que Dieu a fait ceci. Donc, on va tout comprendre de travers. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas éclairé par la parole, par Jésus qui vit en nous, ben, elle ne va pas pouvoir prendre vie. C'est pour ça que c'est important de prier, c'est important de chercher Dieu, de lire sa parole, mais c'est important de demander à Dieu de nous éclairer pour mieux la comprendre, pour qu'elle pousse en nous et qu'elle nous nourrisse, qu'elle soit... Alors, est-ce que les enfants, vous pouvez maintenant nous rappeler à quoi elle ressemble la parole de Dieu dans les 12 choses que j'ai dites ? Ah ben non, Thiago, hein, si tu fais ça... Alors, du feu, la nourriture, ouais, des chips, t'as raison. Mais bon, il ne faut pas manger que des chips. Hein. De l'eau, comment ? Ouais, ça c'est la nourriture. De l'eau, et puis quoi d'autre ? Non mais alors là, c'est dans la nourriture. Ouais, le lait, et puis quoi ? La lumière, l'épée. Le marteau, waouh. Ah non, ça c'était la fois d'avant que j'en ai parlé. L'argent. Ouais, la maison construite sur le roc, super. Des graines. Bon, ben ça va. Ça va. Alors, ils ont une petite feuille où ils ont pu coller les... Comment ? On en a oublié, non ? Peut-être. Le feu, ouais, on l'a dit. Le miroir, oui. Le miroir. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc, la parole de Dieu, c'est tout ça. Et c'est juste des comparaisons pour comprendre qui elle est. Alors, le mieux, c'est que maintenant, Thiago, tu... Allez, hop, tu fermes ça. Hop là. C'est sérieux. Hein. C'est pour toi que je le fais. Vous venez, les enfants, on va prier. Tu viens ? On va prier avec les grands qui sont là. On peut se lever et se rappeler que jour après jour, on a besoin de comprendre, de savoir que Dieu, il peut nous faire comprendre ce qui a marqué dans la Bible. Même si parfois, il y a des choses qui nous paraissent un petit peu compliquées. Et je vais vous dire, moi, il y a des choses que je ne comprends pas toujours dans la Bible. Des choses que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de demander à Dieu qu'il m'explique. Mais si déjà le peu qu'on a compris, on le met en pratique, ça va changer notre vie. Alors on va prier. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour que cette semaine, est-ce que vous avez une Bible à la maison ? Un livre avec des histoires de Jésus, est-ce que tu en as un ? Ouais. Ah ouais, ah ça c'est bien les pyramides. Ça c'est avec les Égyptiens. Est-ce que cette semaine, vous allez ouvrir la Bible que vous avez et lire un petit bout dedans ? Tu sais pas ? Eh ben je vais prier pour ça. Et je vais prier aussi pour que l'Esprit de Dieu, il vous aide à mieux la comprendre. Et puis on va prier tous, nous les adultes, parce qu'on est tous comme les enfants, on a besoin de comprendre mieux la parole de Dieu. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous donnes ces exemples, Seigneur, pour nous, mieux nous faire comprendre ce que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as donné la Bible, tu nous as donné ta parole et tu nous as donné Jésus qui est la parole vivante. Il vit en nous. Seigneur, donne à ces enfants, Seigneur, de mieux comprendre qui tu es. Je te prie, Seigneur, pour que cette semaine, ils puissent se poser des bonnes questions et puis que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur, que tu puisses les interpeller, Seigneur, comme tu nous interpelles, que tu puisses, Seigneur, qu'ils aient envie de se poser des questions, de comprendre qui tu es. Seigneur, je te prie parce que nous savons que ça a l'air mignon, ça a l'air gentil tout ce qu'on dit, mais il y a de vrais enjeux dans la vie de ces enfants, dans nos propres vies, parce que nous avons un ennemi qui veut nous détruire, nous avons un ennemi qui veut nous massacrer, qui veut nous faire du mal, qui veut nous atteindre. Et Seigneur, nous avons besoin de comprendre ce que tu veux pour nous, pour éviter tous les pièges qui met devant nous. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Nous voulons te prier pour nos vies, Seigneur, pour qu'elles puissent pousser, germer en nous et porter un bon fruit, et que ceux qui sont autour de nous voient que ce fruit est bon, Seigneur.